Bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale. 17 avril 2018, encorné par les cours, les gros taureaux rouges. Ça a fait mal. Comme souvent ils disent, par les comptes du taureau, ben c'est ça qui est arrivé samedi. Pour l'Impact de Montréal, deuxième défaite consécutive pour le 11 montréalais. Et cette fois, encore une fois, 3 buts accordés par l'équipe de Rémi Garde. Et oui, plusieurs choses à parler durant ce match. Malheureusement, une blessure à Rod Fanny. Et ça a été très dommage, cette blessure à Rod Fanny, parce que ça a vraiment changé la dynamique de la défensive. Et je pense que ça va coûter cher si cette absence est prolongée. Mais on va en reparler dans plusieurs minutes durant l'émission. Bienvenue sur la Transversale. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. @surtransversale sur Twitter, sur la Transversale sur Facebook. Et vous pouvez nous suivre aussi, moi, mon compte personnel, @kevlaramé, sur tous les réseaux sociaux. Ma page LinkedIn, je vous l'accorde, a fait dur en tabarouette, mais j'ai jamais été sur MySpace. Fait qu'au moins, t'sais, au moins, j'ai jamais eu MySpace. T'sais. Parlons de cette défaite contre les Red Bulls de New York. Quelle belle petite équipe. Hein? Quelle belle équipe, ces taureaux. La manière dont ils jouent. Ce pressing très, très haut. Très présent. Un pressing présent. Je vous mets au défi de dire ça 10 fois avec 3 biscuits soda dans la bouche. Et vous m'en reparlerez. Ce pressing qui a déstabilisé le milieu. Le milieu de terrain de l'Impact de Montréal. Et on parle ici de Samuel Piette, pas son meilleur match, et plutôt, certains moments, il y a eu des bons moments, évidemment, en récupération, mais dû à l'absence d'un Saphir Taider, le rôle un peu de Piette a été, quelquefois, rendu un petit peu plus difficile. La présence de Saphir Taider durant les quelques derniers matchs a beaucoup aidé Piette offensivement en donnant ce fardeau-là plus vers un Saphir et se retourner plus vers une récupération, vers des interceptions de ballon, vers un pressing vers le porteur du ballon opposé. Malheureusement, avec l'absence de Taider, on rajoute ici avec la relance. Et cette relance, cette vision a apporté une autre dimension au jeu de Piette et ça a rendu les choses beaucoup plus difficiles samedi contre New York. Mais Samuel Piette n'est pas le seul coupable. Le milieu en tant que tel de Kroliki et Silva aussi, avec Piette, ont connu probablement le match le plus difficile du 11 montréalais dans le milieu. Ce fut une comédie de balles perdues, une comédie d'erreurs, une comédie de mauvaise passe aussi, surtout sur le premier but de New York, 5 minutes au début du match, sur la passe malade, très mauvaise passe de Cabrera, sur un jeu un peu menant à rien, sur un jeu un petit peu trop nonchalant. Un ballon revient, intercepte le ballon, pose le ballon au sol, va avec la passe, mais la passe était... Il voyait du mouvement dans son champ de vision périphérique de l'œil gauche, mais malheureusement, ce mouvement-là était un taureau habillé en rouge et déchaîné, et non un joueur de l'Impact de Montréal. Donc, ça a amené au premier but. Mais on a eu une belle réponse, et... avant qu'on continue à parler du négatif, je dois... du négatif. On va être réaliste ici, là, avant qu'on continue à parler d'une autre défaite de Montréal. Il y a certains positifs à prendre durant ce match et on va parler du classement. Et il y a certains positifs côté classement aussi à quand même tenir en ligne de compte. Mais regardez ce petit golasso sur l'écran ici, là. Jason Vargas, le deuxième joueur de l'Impact de Montréal en MLS, depuis l'ère MLS, depuis 2012, après Didier Drogba, à avoir marqué sur un coup de franc direct un but, comme ça. Regardez la hauteur, comment le ballon... Oui, c'est la meilleure angle qu'on peut voir sur l'écran ici, mais le ballon, il bouge un petit peu, même un petit peu un effet papillon avant de clairer le mur, comme on pourrait dire. La puissance... La rotation du ballon, regardez ça. Là. La rotation, la précision aussi. Là. Ça, c'est de bon augure pour l'Impact de Montréal. Jason Vargas, son 3e but pour l'Impact de Montréal là, depuis le début de la saison. Meilleur marqueur du 11 montréalais et de loin, je devrais vous dire. Avec un Nacho Piatti aussi qui, malheureusement, n'avait pas le service nécessaire durant ce match. Lorsque je parle de service, je reviens un peu à la relance que je parlais avec l'absence de Tyder. C'est ce qui explique un peu pourquoi Piatti n'était pas capable de se démarquer autant. Mais c'est aussi facilement explicable en regardant le pressing très présent des Taureaux. Les Taureaux n'ont pas laissé Piatti faire grand-chose, surtout dans un espace très restreint. Et cet espace restreint-là empêcher Piatti de trouver Vargas lorsque c'était le temps. Et en deuxième demi, le service était suffoqué au milieu de terrain. On va revenir un petit peu pour les raisons de ça tantôt. Et surtout les raisons qui ont ouvert la défensive montréalaise durant ce deuxième demi et qui a vu New York marquer deux buts et même pas se sauver, là, c'était pas volé du tout, mais sont repartis vers chez eux, partant du Red Bull Arena avec 3 points. Pour New York. C'était un peu, je dirais, quand même décevant de voir Rod Fanny sortir sur blessure, sur civière. Présentement, c'est encore un mystère. On espère qu'il va être rétabli à temps. Je doute qu'il soit disponible ce samedi. Parce que hier, on n'avait pas plus de nouvelles sur l'état de santé de Rod Fanny. Et aujourd'hui, on est mardi. Rapidement, on est mercredi, jeudi. Et le samedi, 1h après-midi, arrive très rapidement au Stade Saputo. On parle ici d'un match en après-midi, pas un match samedi soir. Donc, quand même, une semaine un peu écourtée de quelques heures, mais pas assez pour faire de grands changements. Mais sûrement assez pour... quand même, on parle de Rod Fanny, 36 ans maintenant. Donc, certaines précautions est utile. Je pense que le moyen terme est plus important que le court terme présentement pour l'Impact. Moyen terme, c'est... mi-saison, fin de saison, séries éliminatoires s'il y a lieu, et Rod Fanny sera extrêmement utile rendu là. On verra si Diallo sera de retour, on ne sait toujours pas, mais on est encore très très tôt. Diallo, une absence longue et prolongée pour Zakaria Diallo, malheureusement. Donc Fanny, blessé aussi, laisse encore une fois une défensive amochée pour l'Impact de Montréal. Cabrera Camacho se retrouve avec des choix en mi-terrain, en mi-défensive, excusez. Raitala aussi. On a vu Lovitz démarrer le match sur le banc, mais avec la blessure de Fanny, Raitala a bougé, elle est au milieu. Et Lovitz à la gauche. Et est-ce la fin du 3-5-2 ou du 5-2-5-3-2? Tout dépendant de votre vision. Pour l'Impact de Montréal, pour Rémi Garde, on verra, tout dépendant de la disponibilité de certains joueurs et tout. Mais ne pas oublier que l'absence de Tyder n'a pas seulement créé des répercussions au niveau du manque offensif de l'Impact de Montréal en deuxième demi. Je dois vous avouer que l'absence de Tyder a aussi causé Samuel Piette à avoir une plus grande charge de travail offensive. Donc, malheureusement, défensivement, se retrouver des certaines options qui ne se retrouvait pas placé où ce qu'il devait être, aucunement de sa faute. Mais c'était aussi quelque chose qui était pour moi très flagrant lorsqu'on voyait les joueurs de New York arriver vers la défensive montréalaise en étant aucunement empêtré par un joueur du milieu de terrain. En laissant aller libre, avec une bonne aire d'aller, une bonne vitesse, beau contrôle de ballon en arrivant vers la défensive, créer une ouverture, soit pour faire une passe à un Bradley Wright Phillips seul derrière la défensive, mais ces courses, ces montées vers l'attaque de New York qui ont été, comme on pourrait dire en bon français, unchecked au milieu de terrain, arrivent avec beaucoup trop de vitesse. Et c'est là qu'on l'a vu lorsqu'un joueur étant pas en confiance comme un Camacho lors de son premier départ, et en deuxième demi, on l'a vu ça flagrant. Eh bien, il se fait brûler. Et je pense que c'est, oui, la défensive a une certaine responsabilité à s'admettre, mais surtout, le milieu de terrain n'a pas joué sa responsabilité, son rôle de jouer un peu comme le tampon et de modérer un peu ses attaques perçantes de New York et peut-être donner à la défensive montréalaise un peu de meilleure chance de arrêter ses course très dangereuse de New York. Continuons un peu à regarder ses effets de ce match. Camacho, Sylvain, on parle des nouveaux arrivés de l'Impact de Montréal. Camacho, Sylva, jusqu'à présent, n'ont pas tout brisé. Vargas, oui, belle option. Belle acquisition et un très beau complément offensif. La chimie n'est pas encore installée à 100% avec un Nacho et compagnie, mais ça s'en vient et on voit quelques résultats. Et on voit techniquement, comme vous pouvez voir sur l'écran ici, encore une fois, c'est là. C'est pas techniquement le problème. Le problème est plus les instincts. D'être capable de trouver et de forcer un peu l'espace lorsque le pressing de New York était trop présent en deuxième demi, d'être capable de quand même trouver un moyen d'être efficace. Et pour gagner des matchs sur la route, il faut être capable, même si c'était un environnement hostile, OK, c'était peut-être pas si hostile que ça, là. Mais quand je parle d'environnement hostile, je parle du pressing des deux défenseurs sur un Nacho, sur un Vargas. De ne pas être dans un endroit idéal pour décocher un tir. Ou pas être dans un endroit idéal pour faire la bonne passe. Mais trouver un moyen d'effectuer cette passe, de créer cette opportunité, de créer une percée. Et, malheureusement, ces percées ne sont pas venues du côté de Montréal en deuxième demi. Sont venues du côté de New York. Et New York, 3. Montréal, 1. Ces buts marqués contre Montréal durant les deux derniers matchs, un but marqué pour le 11 montréalais, et c'était ce golasso de Vargas sur coup franc. Maintenant, on regarde un peu le calendrier de l'Impact qui s'en vient. On a samedi LAFC qui s'en vient. LAFC qui vit fort d'une victoire de 2-0, ou 0-2 si vous préférez, sur la route à Vancouver. Donc maintenant, les anges du général, Los Angeles, Laurence Imer, général, OK. Donc les anges du général s'en viennent à Montréal samedi, 1h, pour jouer dans ce qui devrait être une partie un peu frigide, si on regarde un peu l'état des la météo, là. L'état de l'hiver qui finit plus, puis du printemps qui veut plus arriver. Puis si j'étais le printemps, ben je resterais caché au moto. Fait assez frette. À quoi s'attendre samedi? Premier match au Stade Saputo en passant. Bien content de retrouver nos lieux favoris. Stade Saputo. Gazon naturel. La petite brise printanière. Juste assez pour avoir une petite veste, une petite laine, en espérant qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de tuque. C'est ce qu'on se prie pour samedi. Mais ça ne sera pas facile samedi contre les anges du général. On parle ici de Carlos Vela et Diego Rossi, deux joueurs qui, pas dire qu'ils brûlent la ligue, mais qui ont une influence certaine, pour ne pas dire une certaine influence, pour LA. On parle d'un Carlos Vela qui trouve le moyen de marquer but spectaculaire après but spectaculaire. Oui, Vancouver n'est pas l'équipe, surtout avec l'absence de Kyle Camara, qui pourrait se retrouver avec une absence prolongée. Mais Vancouver n'était pas l'équipe et avait l'attaque la plus dangereuse lors de leur dernier match. Je vous l'accorde. LA a eu quelques difficultés durant quelques matchs avec sa défensive. Et on se sera tourné il y a deux semaines, le premier match de Zlatan en MLS. Lorsque LA marque 3 buts, bam! LAFC, s'il marque 3 buts, mais le Galaxy se retourne et en marque 4, et ça finit 4-3 à le Galaxy. Donc, on parle d'une équipe qui peut se retrouver vulnérable. On va évidemment avoir un Laurent Simon très motivé. On n'a pas besoin de s'imaginer à quel point que son bouclier, en parlant du général, ben le bouclier du général, il y a une bosse dessus, là. Il y a une chip on the armor, là. Il y a une kink in the armor, là. Puis Laurent Simon, ben, il va se venger. Puis son but de se venger, c'est pas d'accorder de but, samedi. C'est son moyen, avec son équipe, d'avoir 3 points. Et ce sera le boulot de Rémi Garde et de l'Impact de Montréal de s'assurer d'avoir un deuxième gain à domicile. En 2018, on parlait ici du match contre Toronto, évidemment, et la victoire au Stade olympique. Maintenant, il faut 7 victoires au Stade Saputo. L'Impact, si on regarde présentement le classement, c'est pas cause perdue. C'est sûr que ça fait un peu mal, cette victoire des Red Bulls, parce que présentement, c'est une équipe avec laquelle l'Impact compétitionne directement pour une place au classement. Je pense pas que dans quelques mois, ce sera le cas. Je pense que New York sera beaucoup plus haut au classement lorsqu'il n'aura pas à s'inquiéter avec la Champions League. Il est évidemment éliminé maintenant, ayant été éliminé la semaine dernière par Chivas, qui affronte le Toronto FC ce soir dans la première manche de la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF 2018. Premier match ce soir, le deuxième la semaine prochaine à Guadalajara, au Mexique. Et surtout, les amateurs de trophées, les amateurs de nouveautés parmi vous, il y aura un nouveau trophée. Nouvelle forme, nouvelle... Je ne pense pas qu'il va y avoir une nouvelle couleur, je pense que ce sera quand même plus côté doré. Mais un nouveau trophée pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Nouveau format, nouveau trophée. Et est-ce que Toronto sera l'équipe qui va le gagner? Ça, on le saura la semaine prochaine, si Dieu le veut. Mais ce soir, on va voir, au moins, peut-être, qu'est-ce que ce trophée aura l'air. Vous pouvez voir ce match sur les ondes de TSN, en anglais. En français, je ne sais pas, je pense que c'est pas disponible, malheureusement. Regardons le classement de la Conférence de l'Est après 7 semaines dans la MLS. On va regarder les positions qui impliquent l'Impact pour commencer. Donc, l'Impact de Montréal se retrouve 7e à 3 points d'une place en série. New York, devant elle, 6e. Philadelphie se retrouve derrière l'Impact avec 5 points, seulement 1 point de retard. Et on se retrouve aussi avec DC United, 9e. 5 points aussi. Seulement 1 point derrière l'Impact de Montréal. New York 6e, comme je mentionnais, 9 points. Orlando se retrouve en 5e position avec 10 points. Et Columbus 4e avec 10 points aussi. Donc on part de 3 points d'avance déjà pour New York en 6e position. L'Impact, si on va regarder le calendrier de l'Impact pour les 5 prochains matchs, pour voir les opportunités de victoire qu'il pourrait y avoir durant ces matchs. L'Impact se retrouve avec 6 points après 6 rencontres en 2018. Évidemment, 2 défaites pour commencer la saison, les 2 victoires et ensuite 2 autres défaites. Maintenant, les 5 prochains matchs de l'Impact de Montréal. On parle des Anges Générales samedi, 1h d'après-midi au Stade Saputo. Ensuite, on parle la semaine prochaine encore une fois à 1h d'après-midi, mais cette fois, on s'en va en Géorgie, on prend l'avion. On s'en va à Atlanta, Atlanta, Géorgie, au Mercedes-Benz Stadium pour ce match. Ensuite, premièrement, pensons à la probabilité de victoire des Pats contre l'FC. C'est quand même une équipe d'expansion. Oui, tout. Je vois 50-50. Atlanta, ça va être difficile. On l'oublie, OK? On va être réaliste ici, là. Maintenant, New England, à la maison, Stade Saputo, le 5 mai. Celle-là, il faut avoir les 3 points. Il faut les 3 points contre la Nouvelle-Angleterre. Et contre les LFC, je vous dirais, on peut se contenter d'un point, mais il faut aller le chercher sans équivoque. Au minimum un point, mais je vous dis, ça ne sera pas nécessairement facile. Ensuite, l'Impact voyage à Chicago seulement 4 jours plus tard du match contre la Nouvelle-Angleterre. Chicago, c'est vite dit, là. C'est Bridgeview, là. On s'entend, là. Ça prend une bonne 45 minutes, une heure de Chicago pour se rendre au stade du Chicago Fire. 8h30, le 9 mai, contre Chicago. Chicago est une équipe qui n'a pas encore trouvé son air d'aller présentement. Là. Meilleur résultat qu'espéré, mais en regardant Chicago jouer, c'est une équipe lourde, lente, difficile à bouger. Un coup qui est parti est peut-être difficile à arrêter, peut-être. Comme une grosse roche. Chicago, c'est une grosse roche. Dur à partir. Ça prend bien du temps, bien de la pression, bien de la patience. Tu espères avoir une côte, là. Fait, tu pousses la grosse roche, Chicago. Elle est dure à partir. T'sais, un Schweinsteiger, c'est dur à courir. Ça n'a plus la même accélération, mettons. Je suis très gentil ici, là. ben, on espère que Montréal va être encore dans la phase que Chicago n'est pas encore parti lorsqu'ils vont l'affronter. On va voir. Mais, au moins, la semaine après, Philadelphie est à Montréal. Donc, il faut au moins la victoire contre Philadelphie aussi durant les 5 prochains matchs. Donc, réalistiquement parlant, je ne m'attends pas à de victoires ou de résultats sur la route durant les 5 prochains matchs en regardant l'état des forces présentement dans la Ligue. Mais ces 5 matchs-là sont importants. Oui, LA, c'est un match hors conférence. On peut sauver avec un point ou on peut s'en sauver même avec zéro. Atlanta, ça va faire mal. Mais Atlanta, on se bat pour le top. Là. Atlanta, ils se battent pour le sommet. C'est pas grave. Mais les New England, les Chicago et les Philadelphie, dans mon optique, ce sera des équipes avec lesquelles l'Impact se battra pour une place en série. Donc, les 3 points contre New England le 5 mai et les 3 points contre Philadelphie le 12 mai, les deux à la maison, sont primordiales. Chicago le 9, c'est quand même le match, 3 matchs en 8 jours ici qu'on parle. Donc, je ne m'attends à rien le 9. C'est sur la route aussi. Mais au moins New England et Philadelphie, deux adversaires potentiels au classement pour une place en série dans loin, on parle dans plusieurs mois. Mais les points que vous ramassez maintenant, et surtout contre les adversaires directs, savez-vous que ces points-là restent au tableau? Ils ne disparaissent pas, là. 3 points au mois de mai, c'est aussi bon que 3 points au mois d'avril que 3 points au mois d'octobre. Sauf que 3 points au mois d'avril, c'est beaucoup plus rassurant. Donc, on parlerait ici de 5 points pour l'Impact de Montréal, hypothétiquement parlant, durant leurs 5 prochains matchs, réalistiquement parlant aussi. Deux équipes, donc l'Impact peut se permettre de se payer le 5 mai contre la Nouvelle-Angleterre à 3 points à la maison, le 12 mai contre Philadelphie, 3 points à la maison. Ces deux matchs sont d'une importance primordiale pour les chances de l'Impact de Montréal d'avoir une saison 2018 remplie de succès. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre seuil de succès dans les 5 prochains matchs pour l'Impact de Montréal? S'il vous plaît, mentionnez-moi quelles sont vos prédictions pour le match contre LAFC ce samedi 13h. Je serai au Stade Saputo si vous passez près de la galerie de presse. Envoyez-moi un petit salut. Je ne peux pas me manquer, je suis là. Et ensuite aussi, je vous demande de vous abonner présentement. Vous m'écoutez en direct, cliquez le petit bouton rouge qui s'appelle « Abonner ». Cliquez ici et comme ça, vous assurez de toujours être averti lorsque je vais en direct pour sur la transversale. Vous pouvez cliquer la petite cloche à la droite du bouton aussi pour vous assurer d'être averti sur vos gadgets, widgets, lorsqu'on va être en direct. Puis, si vous aimez le soccer canadien et pas juste le soccer montréalais, je vous suggère le Two Solitude Soccer Podcast en bon français, animé par moi-même, Dwayne Rollins et Keaton Robbins. On parle de la Ligue canadienne première qui s'en vient l'année prochaine. On parle de l'équipe nationale canadienne et on parle aussi de quelques nouvelles du soccer canadien en général. Cette semaine, on va avoir une bonne émission, comme d'habitude, en parlant un peu des nouvelles et des « quote-unquote » en guillemets, les fuites de la CANPL la semaine dernière en regardant les demandes de droits d'auteur sur certains noms, certaines villes, certaines couleurs. On est capable de voir et de comprendre un peu ce qui se trame. Et on va parler de tout ça au Two Solitude Soccer Podcast en anglais, malheureusement. Mais vous pouvez vous abonner. 2$ par mois vous donne accès à cette émission. Et aussi, si vous aimez le contenu francophone, si vous aimez ce qu'on fait ici en français, est-ce qu'il y a d'autres émissions que vous aimeriez entendre? Quelque chose que vous aimeriez qu'on fasse de plus aussi? On demande votre support, mais si vous êtes un membre de notre communauté très proche, donc un membre Patreon, s'il vous plaît, suggérez-moi l'émission que vous aimeriez. Et je suis très ouvert à vous faire une émission de plus par semaine en français, mais il faut s'abonner pour. Donc, aux abonnés, donnez-moi vos suggestions et je vais les lire avec beaucoup d'attention. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, @kevlaramé, sur Transversal. Et jusqu'à la prochaine fois, soyez sûr de ne pas manquer une balado-diffusion en vous abonnant sur le Apple Podcast, sur l'application avec laquelle vous utilisez pour écouter vos balados-diffusions. Pitonnez le bouton « Abonner » et comme ça, vous êtes sûr de m'avoir dans vos oreilles au moins une fois par semaine. Jusqu'à la prochaine fois, samedi après-midi, tout de suite après le match, je reviens en studio, c'est l'après-match. Montréal contre les Anges du Général. Et jusqu'à samedi, ben, bon soccer.